voir l'arrivée à la télé. Oh bah je veux voir que bien. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, l'émission dédiée à l'expérimentation sonore sous toutes ses formes. Et de temps à autre, je vous présente de la fiction documentaire et ou radiophonique. Alors, c'est avec un très grand plaisir que je vous présente ce soir un projet, un magnifique projet radiophonique, une fiction documentaire et bien documentée, réalisée par Myriam Aissaguer en 2018 et ayant pour toile de fond l'univers maritime, culturel et sonore du Pays Basque. Alors, quand on évoque le Pays Basque ici au Québec, plus particulièrement, on imagine un territoire improbable et imprenable, à la fois pastoral et maritime, un territoire peuplé de résistants politiques, défenseurs de leur langue, de leur culture et de leur singularité, toutes contemporaines. Et il y a, je dirais, un peu de tout ça dans ce projet de Marianne. Alors, intitulé « La dramatique impossible » et nommé en 2018 « Découverte sonore par la Société civile des auteurs multimédia », une société française. L'œuvre radiophonique et sonore de Myriam Aissaguer s'inspire d'un texte d'Étienne Ituria intitulé Mirenchu ou la dramatique impossible. Le texte d'Ituria est construit autour des récits entrecroisés de personnages qui ont cherché à construire la trame narrative d'un film à travers le quotidien d'un équipage qui se prépare à la pêche au thon rouge. La fiction radiophonique et sonore trouve ici ses ancrages au Pays Basque, dans le golfe de Gascogne, sur le navire Brocoa de Saint-Jean de Lutz, et on est en 1974 pour ce qui est de la référence littéraire. Alors, 40 ans plus tard, prenant comme point de départ ce texte d'Étienne Ituria, Myriam Aissaguer s'immerge dans l'univers de la pêche en mer, interrogeant à son tour les diverses façons de mettre en scène une histoire. Alors, que la comédienne Sacha Andrés interprète le récit de Mirenchu, la réalisatrice mène sa propre enquête à la recherche des témoins de cette époque. Alors, elle tisse du passé une histoire de pêche malheureuse, une aventure sonore très actuelle, une dramatique qu'on qualifiera d'impossible. Alors, bien sûr, j'en profite ce soir pour remercier Myriam Aissaguer de nous permettre de diffuser ce travail impressionnant. Magnifique. Myriam, elle écrit, elle réalise des films d'auteurs, des paysages sonores et des documentaires radiophoniques. Elle travaille depuis une vingtaine d'années en tant que monteuse dans la production de documentaires de création, de magazines, d'essais et de vidéos expérimentales. On peut même voir un de ses films ou un extrait sur la toile, un film intitulé « Mur ». Elle est membre, Myriam Aissaguer, fondateur de l'association Artegia, une association de production et de films et de documentaires sonores. Alors, Myriam collabore aussi au collectif Audiolab de Saint-Sébastien et anime des ateliers de création sonore. Alors, je vous propose donc l'écoute sans pause de ce bel essai radiophonique et sonore de Myriam Aissaguer, intitulé « La dramatique impossible », récipiendaire du prix des Découverte sonore de la Société civile des auteurs multimédia de France. Alors voilà, ainsi s'achève la croche-oreille ce soir sur ce bel essai radiophonique de Myriam Aissaguer intitulé « La dramatique impossible » dont vous pourrez retrouver une version sur le site SoundCloud pour les intéressés. Alors, je vous rappelle que vous retrouverez sur le site La Croche-Oreille toutes les émissions en balado-diffusion, dont celle de ce soir, pour écoute immédiate ou en différé. J'en profite pour offrir mes remerciements à Myriam Aissager de nous avoir offert et permis la diffusion de ce bel essai radiophonique. Alors, restez avec nous, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy, ici Gaëtan Gosselin, qui vous donne rendez-vous dimanche prochain et qui vous salue sur les ondes de CKRL.